this. Assemblage requis. Yann Martel nous parle d'aide financière. Et un résumé de ce qui s'est passé hier à l'événement iPhone d'Apple. Assemblage requis, ça commence! Incessamment. Ah, oh! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est devinez quoi en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce mercredi 5 octobre 2011. Et moi, c'est Mathieu Pente. Moi, François Olivier. Oui, bon matin, bon matin. Bon matin, ça va bien, Mathieu? Toujours bien le matin. Bon, oh, parle-moi de ça. Comment est-ce que ça pourrait mal aller alors que je suis en ta compagnie? Oh! Laisse c'est doux, hein? Mathieu Plante. Ah, doux comme une serviette. Une serviette chaude. C'est tout le temps plus doux. Une serviette chaude. Oui, oui, les bien. Chauffantes, là? Bon, ben oui. Est-ce que t'as déjà eu ça? Non. Toujours intriguant, ça. Hein? Tu te dis ça pourrait prendre en feu? Ou... Non? Ah non, je me dis pas ça. T'as-tu déjà essayé des draps chauffés? Non plus. Non? Moi non plus. Mm. Moi non plus. Les bouillottes? Les bouillottes. Toi, ouais. Tu sais que t'as l'expérience avec les bouillottes, t'aimes bien les bouillottes. L'affaire de bouillottes. Tu vois? Ah oh, ouais, c'est vrai. Ouais. Écoute, je m'en rappelais plus. Non, mais. Hein? C'est... Ben, qu'un. Ben voilà. Donc, sur ce, bon matin à vous aussi à la maison, pas juste nous autres là, qui se disons bonjour. Non, bon matin. C'est ça. Bon matin, mais lève-toi, il est temps. Il est temps, là. Est temps. Le succès vient à ceux qui se lèvent tôt. L'appétit vient en mangeant. Bon, donc aujourd'hui, à l'émission Assemblage requis, on a plein de bonnes choses pour vous. On va avoir, entre autres, la chronique Finance avec Yann Martel. Oui, exactement. Il va nous parler des informations mises en ligne par le ministère de l'Éducation sur l'augmentation des frais de scolarité. Ah, ah, ah! Je suis allé jeter un petit coup d'œil, en fait, sur le site et les informations, et puis... Pertinent à souhait. Oh, oui, quand même très intéressant. Hier, on sait que c'était la manifestation au Ludoplex, entre autres, ici, qui sont descendus les étudiants de plein de cégep et universités. Donc, c'est un sujet qui touche bien les gens. Oh, oui, exactement, exactement. Voilà. Aujourd'hui, par contre, mauvaise nouvelle pour toi, François, je sais pas si je te l'avais dit, je crois pas, Myriam Fugère sera pas avec nous aujourd'hui. Elle est malade. Non! Comme tout le monde. Ces temps-ci, tout le monde est malade, c'est normal. Ouais. Donc, elle nous aurait parlé hier, elle m'écrit, elle me dit « Est-ce que je pourrais parler de trucs de grand-mère, genre comme par exemple, mettons, comment régler un rhume, tu sais? » Fait que j'ai répondu « Ben, t'écouteras tes conseils de grand-maman, puis tu nous offriras un contrat la semaine prochaine, tu sais? » Tu nous diras comment ça a fonctionné. On va voir la semaine prochaine, ça nous en parle. Donc, Myriam Fugère, qui normalement sera à 8h avec sa chronique aléatoire. Mais par contre, on va quand même avoir la chronique CNX avec les nouvelles geeks de la journée, dont l'iPhone 4S qui a été annoncé hier. Hier, ouais, c'est ça exactement. Tu vas nous parler des nouveautés? Oui. 4S, hein? Pas 5, hein? 4S. Non, non, non. Mais en même temps, le 4, ça faisait pas assez longtemps. Je sais. T'as raison, tu sais. Ça fait d'année en année 3. L'original, bon, le 2, non, non, non. 3, 3GS, 3GS 4S, 5. La suite logique, hein? 5, demi-S. Demi-S. Je sais pas. Demi-S, pas comme un C. Qu'est-ce que ça veut dire, le S? Est-ce que tu sais? C'était pas speed pour le 3. Le 4, je sais pas. Mais c'est ça, c'est vraiment l'intérieur est complètement changé, même si l'extérieur a l'air visuellement pareil. Là. L'intérieur est complètement, là, vraiment beaucoup amélioré. Du 4S. Du 4S, exactement. Mm-hmm. Même chose pour le 3GS par rapport au 3G. Donc, on parlera de ça. On parlera aussi des nouveaux iPods. Ça, déception, hein. Et vous allez voir qu'en bourse, là, Apple, avec les annonces d'hier qui ont déçu bien des gens. Ils ont baissé un petit peu. Ouais. Un petit peu. Mais bon. C'est pas grave. On en parlera tantôt dans CNX. Il y aura aussi la chronique, c'est un fait, avec plein de choses bien intéressantes à savoir, dont. Encore d'autres fesses et chenilles. Il y a un fesses et chenilles qui a les chenilles n'ont pas de sexe. Là. Ils font pas l'amour. Là. Deux autres fesses sur les chenilles. Tantôt. Et un aussi sur Oz, les pastilles. Oz. Oh, intéressant. Qu'est-ce qu'il faisait Oz avant de faire les pastilles? Bonne question. ta réponse tantôt. Ouais, exactement. C'est un peu j'espère. Ben sinon, tu sais, hein, promettre des affaires qu'on livre pas. Là. On fait jamais ça ici. Ben non. Jamais, jamais. On sera aussi un bloc palmarès un petit peu avec plein de bons succès. On pourrait même commencer par ça, je pense. Ah ouais? Ça te tente-tu? Ben oui, certainement. Un petit bloc de quelques nouvelles entrées des palmarès. Je sais que The Kooks, leur pièce s'appelle Is It Me. On l'a entendu deux fois à Assemblage Rocky jusqu'à maintenant. Et les deux fois qu'on l'a écouté, c'est très bon. On capotait bien. Oh ouais. Oh ouais, c'est vraiment très bon. Comme des petits fous. Comme des petits fous. Comme des petits fous. Donc voici The Kooks et Is It Me au 89 FM. C'est fou. Bonne émission. Hein? Je suis poli quand même. Formule poli. Ah, oh, toujours poli, Mathieu. Ouais. Veuillez agréer à mes sentiments les plus sincères. De bonne émission. Bien à vous. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us. Someone to introduce the show. I need someone just like you. Someone to let me know. When I began to break down, searching over time, bring me a pig's heart and a glass of wine. There was nothing that you could have done. There was nothing that you should have said. We're both still chasing shadows in our heads. It was all too soon. Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I'm all too Pas mal bon, ça, François. Un nouveau petit bloc de palmarès anglophone. Oui, The Cook, c'est Wilco. Oui, Wilco, la pièce s'appelle I Might. OK. Et avant ça, The Cook, c'était Is It Me? Is It Me? Is It Me? Wilco, on dirait que le nom, j'aime pas ça, ça fait penser à Wilco. Oui, ou Steinberg. Ouais. Ouais. Provigo. Provigo. Ça existe encore, ça, par contre. Hein? Ouais, ouais, mais exact. Pas en Mauricie. C'est ça, de toi. Provigo? Non. Provigo. C'est eux qui sont populaires, qui sont propriétaires de l'Oblast. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais on n'a pas dans ce type de magasin non. Provigo. Non, non, non, non. C'est vrai. Bon. Allez, je t'ai fait réfléchir un matin, moi. Oh, ouais, oh, ouais. Je me surprends. Faut bien te servir à quelque chose. Veux-tu que je serve à quelque chose d'autre? Non. Moi, je jouais du chiptune tantôt. Ouais, j'ai dit non. C'est la chronique CNX. Mais j'avais dit non avant que tu dises. Trop tard. Mais là, ça veut dire que t'en auras pas? Non, on va en avoir. Non. Roche, papier, ciseaux. OK, attends un peu. Roche, papier, ciseaux. Si super ordinateur. Hein? Super ordinateur? Ouais, moi, c'est super ordinateur. Puis ça bat tout. Ah, OK, fait que je suis sur le verbe. C'est ça. OK. Oh, roulette, roulette, est-ce que je peux... Super aujourd'hui. Combien tu gagnes, combien tu gagnes? Super aujourd'hui. Bah, c'est dormi déprimant. Ben oui. Perdu. Hey, je... Hey, t'es bon, hein? J'en viens pas pire. On dirait que si tu regardes ma face, peut-être que ma face te dit si je gagne ben ou non, je perds. Ben non, c'est comme un petit peu moi qui décide du MP3 que je vais jouer, là. Non? Ouais. Ah, non. Non? Non, mais je sais, hier, t'avais gagné. Oui. Tu sais, aujourd'hui, tu peux pas gagner deux jours d'affilée. Non. Mais là, vu que j'ai dit ça, la semaine prochaine, tu vas gagner deux jours d'affilée. Peut-être, peut-être. Ah. Ou peut-être que je vais me tanner de la roulette aussi. Ah, peut-être. Non, c'est bon, ça. Ouais, c'est quand même le fun. Oh. Commençons par la grosse nouvelle. On va passer une bonne partie de la chronique là-dessus. François, tu vas en jaser avec moi, j'en suis certain. iPhone! Ben oui, nouveau iPhone 4S qui a été annoncé par Apple hier vers les 13h quelques de l'après-midi, entre 13h et 14h environ, il y avait la grosse conférence d'Apple. Donc les fans qui attendaient l'iPhone 5 sont déçus aujourd'hui. C'est finalement une version remodelée de l'iPhone 4, l'iPhone 4S qui a été présenté par Apple, selon cet article que je lis en ce moment de Cyberpresse. Pour sa toute première présentation à titre de président-directeur général d'Apple, Tim Cook a été plutôt effacé, laissant le dévoilement du nouvel appareil à Philip Schiller, qui est le vice-président du marketing d'Apple. L'iPhone S, ce 4S, oui, se fait remarquer surtout pour ce qu'il n'est pas, nous dit-on. Les rumeurs ayant précédé le lancement d'un éventuel iPhone 5 avaient placé la barre très haute, prédisant un appareil au design complètement redessiné, plus mince et plus léger. Le problème, c'est qu'on s'est souvent fié pour les nouveaux appareils Apple aux étuis que les compagnies japonaises fabriquaient, qui avaient l'air de quelque chose, et là, on pouvait faire des rendus 3D par rapport à ça. Cette fois-ci, on dirait que c'était pas correct de faire ça. Il y a des compagnies qui ont fait des études pour iPhone 5, qui l'ont fait pour vraiment pas cher et comptaient les revendre très cher. Et bien maintenant, ils ont un stock qui ne pourront jamais écouler. C'était déjà envoyé dans les magasins d'AT&T aux États-Unis, dans plein de gros t'es magasins. Pas sérieux? Il y avait déjà des études d'iPhone 5, mais ouais. Oh, ouais. C'est vrai. Philip Schiller a plutôt dévoilé un iPhone 4S ayant exactement la même apparence que son prédécesseur, mais doté d'un nouveau processeur A5. C'est le même que celui de l'iPad 2, qui est révolutionnaire dans le domaine des tablettes et des téléphones. C'est quelque chose de très, très, très puissant. L'entreprise promet que l'appareil sera jusqu'à 7 fois plus rapide que l'iPhone 4. Hey! L'iPhone 4, pas le iPhone 3GS que t'as, ou le 3G que j'ai. Là, ça doit être dans 42 fois, puis 56. En masse, en masse, en masse. Oh, ouais, 7 fois, c'est quand même... énorme. Puis je peux pas dire qu'en fait, là, moi, mon 3GS est là. Non, il est rapide comparé au mien, surtout. Non, mais comparé, en fait, je sais pas, j'ai pas essayé d'iPhone 4, mais tu sais, ça va bien, j'ai pas l'impression d'attendre. C'est ça, t'es déjà satisfait. Oh, imagine ouais, comment ça, tu serais satisfait deux étapes plus loin. La véritable nouveauté de l'appareil réside dans le système de reconnaissance vocale qu'on appelle Siri. La compagnie Apple a acheté ça d'une compagnie qui fabriquait Siri avant, S-I-R-I. Et donc, une sorte d'assistant personnel dont il est équipé sur iPhone 4S. Il sera désormais possible de parler à son téléphone pour qu'il exécute des commandes complexes. Par exemple, trouver un restaurant. Donc, tu dis vraiment à ton téléphone, trouve-moi un restaurant sur le boulevard des Forges. Il va dire, je vous trouve un restaurant sur le boulevard des Forges. Parce que la commande vocale existe déjà. Oui, je peux dire, ça. Exemple, appeler Mathieu Plante mobile et puis... Ça. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est beaucoup plus évolué. Ouais, tu peux faire ça, des recherches. Tu peux envoyer un message texte avec ça. Ah ouais? Donc, reply quelque chose, répondre. Mettons, François, tu m'écris. Ça va me lire le message. Fais répondre. Oui, je vais être là demain à 5h. Envoyer. Ça l'envoie. Exactement, c'est ça. Donc, pour ça, c'est vraiment bien. En français, en anglais, il y a tout plein de langues. Donc, le système est en version bêta. Il permet d'exécuter des commandes en français, en anglais et en allemand. Nous dit-on dans l'article. L'iPhone 4S fonctionnera tant sur les réseaux GSM que CDMA, qui est en fait un téléphone qualifié mondial par Apple. Donc ça, c'est une nouveauté donc du côté d'Apple. C'est que leur téléphone, un seul modèle va fonctionner sur les réseaux GSM et CDMA à la place de devoir faire des téléphones indépendants pour chaque réseau. Échaudé par les problèmes d'antenne, on se rappelle tous des problèmes d'antenne au lancement de l'iPhone 4. L'entreprise a doté son nouvel appareil d'une nouvelle antenne. Et puis, quant à la caméra de l'appareil, beaucoup améliorée, est dotée de 8 mégapixels plutôt que 5 dans l'iPhone 4. C'est bien, ça. Très, très bien. Et pour la vidéo aussi, avec la haute définition 1080p et stabilisateur d'image dans l'iPhone. Oh, ouais. C'est quand même quelque chose. Offert en blanc et en noir, l'appareil va être disponible à compter du 14 octobre. Donc, les précommandes se font partir de vendredi, le 7 octobre, juste là. Et puis ensuite, vous allez pouvoir le procurer. Au Canada? Au Canada, oui, on fait partie. Ouais. Ben, cette fois-ci, contrairement au iPhone 4, où on avait attendu, je crois que c'était un mois. C'est stupide. Oui, puis en France ou d'autres pays, ils l'avaient le jour même, alors que nous, on devait attendre. Là, cette fois-ci, on est dans les pays de lancement, donc on va être les mêmes dates que les États-Unis. Bon. Nouveauté pour le iOS 5 et le système d'exploitation de l'iPhone, toujours dans le domaine de ce Apple, à compter du 12 octobre. Donc ça, 12 octobre, si je comprends bien, c'est mercredi prochain, donc dans une semaine très exactement. Il va être possible de mettre à jour le système iOS sur l'iPhone, le iPod Touch et le iPad, donc la nouvelle mouture du système d'exploitation pour ces appareils Apple. Apple a intégré une application qui s'appelle iMessage, donc ça remplace Messages, là, qui permettra aux détenteurs d'appareils équipés d'iOS 5 de s'envoyer des messages entre eux via Wi-Fi ou connexion 3G, même sur un iPod Touch, donc plus besoin d'application de tierce partie pour envoyer des messages textes sur l'iPod Touch. L'entreprise californienne a également conçu une application qui permet d'envoyer, et là j'étais très surpris parce qu'Apple a tendance à enlever des produits quand ils voient qu'il n'y a plus grande utilité, et là ils en amènent un nouveau que moi je vois pas vraiment tant d'utilité. C'est un système de carte postale. Un système de carte postale? De carte postale. Donc, un peu comme Postagram fait déjà, c'est que tu prends une photo dans ton rouleau de photos là, sur ton iPhone et puis tu peux choisir un message à envoyer avec. Et là, Apple va imprimer une carte postale avec ton message dessus. Il va l'envoyer par la poste physique. Oh, ça, ouais. Ça fait arriérer, on dirait un produit qu'on aurait inclus en 98, genre sur un... Non? Je sais pas. Ouais. Je trouve ça bizarre comme idée. Mais bon, peut-être que ça va marcher. Les appareils mobiles d'Apple permettront également l'intégration de Twitter natif, donc d'un seul clic à partir de Safari, photo, caméra, YouTube ou de l'application Max, les Maps, oui, pardon, ça c'est des cartes, là. Pas les cartes de carte postale, dans ce cas-ci, mais les cartes routières. Les internautes vont pouvoir changer leur statut sur le site de réseautage social. La lecture de journaux et de magazines sera quant à elle facilitée par la nouvelle application Newsstand, qui est un kiosque à journaux virtuels, donc journaux, magazines achetés via cette application-là, à la place de iTunes Store. Ça va être vraiment un magasin Newsstand, un peu comme pour les livres. Okay. Apple va permettre également d'éditer des photos directement à partir de l'appareil équipé d'iOS. Donc, le croppage de photos, ce genre de trucs-là. Ah. Aussi dans Apple, les nouveaux iPods. Et là, ça, c'est tellement rapide parce qu'ils ont absolument rien fait, sérieux. Ça, moi, c'est ma déception. Autre que l'iPhone 4S, je pense qu'on pouvait s'y attendre, comme tu disais. Mais pour les iPods, ça me déçoit. Donc, l'entreprise californienne a annoncé des changements à sa ligne d'iPod. Le iPod Touch, qui est équipé du nouveau système iOS 5, va permettre de faire de la vidéo HD maintenant. Plus mince qu'auparavant, il sera encore plus mince. Ça, quand même, ça, la mincitudité, là, c'est quand même bien. C'est bien, mais ouais. C'est ça, on peut pas dire que c'est déjà épais à la base. Non, c'est ça, exact. Tu sais, j'imagine que, en fait, plus ta main si ça, plus tu le rends fragile aussi. Là, aussi. Je sais pas, mais j'imagine qu'ils ont fait des tests aussi. Là, ouais, pas stupide, là, mais on peut présumer que, ouais, quand même. Moi, ce qui me dérange dans l'iPod, c'est que les gens pensent que c'est un iPhone sans le téléphone, mais il y a tellement beaucoup moins de capacités techniques et de matériel génial dans le iPod Touch. C'est comme une version très, très basse de gamme. Mais quand même, il y a... Comme quoi? Entre autres, la caméra... La caméra est là, là? Oui, il y a une caméra, mais de beaucoup moindre qualité que l'iPhone. Okay. Beaucoup moins qualité. Ça peut faire de la HD, mais c'est pas du 8 mégapixels. Là, okay. Des choses comme ça. Beaucoup moins de... Le processeur est moins rapide, un paquet de choses comme ça. C'est plus lent. Mais bon, quand même, c'est moins cher. Donc, pourquoi ne pas l'acheter? Donc, ça, comme je disais, vidéo HD offert en noir et en blanc, qui peut être doté de 8, 32 ou 64 gigs de mémoire. Je vois pas le 16 dans l'article, mais bon, peu importe. Il doit être là. Non? Je crois qu'il est là, mais je pense pas. Quant au iPod Nano, son prix va être réduit. Donc, l'iPod Nano, réduction de prix. Nouveau système d'exploitation dessus qui va avoir des icônes plus grosses parce que les gens... Tu te rappelles, l'iPod Nano, c'est celui qui est carré. Ouais, carré, un petit écran. Ouais, avec une clip en arrière, comme l'iPod Shuffle, mais l'iPod Shuffle qui a pas d'écran. Mais non. Donc, l'iPod Nano, les icônes, il y avait 4 icônes sur chaque petit carré. Tu pouvais glisser avec ton doigt dessus. Là, maintenant, ça va être un seul icône. Un gros que tu vas pouvoir juste tasser puis tu vas pouvoir appuyer plus facilement sur les boutons. Okay. Tu vas avoir le choix de revenir à l'ancien mode aussi. L'appareil est agrémenté d'une application permettant d'enregistrer ses données de course, donc pour faire du jogging. Et puis, surfant sur la vague des iPod Nano qui sont agrémentés de bracelets, là, les petits accessoires montres qu'on peut acheter pour l'iPod Nano. Donc maintenant, le iPod Nano, le système va intégrer une douzaine de styles de montres pour montrer la montre. Là. Mettons, tu as Mickey Mouse avec ses mains. Okay. Donc, tu vas pouvoir plus facilement avoir un beau look sur ta montre que juste le mode de base. Apple aussi, c'est ça. Pour les iPods. Moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est que si tu vas sur l'Apple Store, tu vois qu'ils n'ont pas mis à jour l'iPod Shuffle du tout, donc on peut s'attendre. Les rumeurs disaient qu'elle allait l'éliminer complètement. Ben, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, mais ils l'ont descendu à 49$. Donc, c'est vraiment, vraiment absolument rien. Et l'iPod classique, on pensait tous qu'ils allaient se débarrasser aussi. L'iPod classique, c'est celui avec la roulette puis le disque dur intégré de 160 gigs pour 250$. C'est comme vraiment pas cher pour le disque dur. Ça, c'est le plus gros? C'est le plus gros modèle. Tu sais, les iPod Touch vont jusqu'à, on disait tantôt, 64 gigs. 64, oui. Donc, pour, je sais pas combien ça coûte. J'ai pas les prix devant moi, mais en tout cas, je pense que c'est comme 300 quelques dollars. Mais en tout cas, donc pour 250$ seulement, t'as comme 160 gigs, donc c'est vraiment beaucoup plus. Mais ils l'ont pas mis à jour et probablement, les gens, vu qu'ils pensaient que ça allait être éliminé, vont sûrement pas le remettre à jour jamais, l'iPod classique. Donc, les gens espéraient qu'ils le retirent parce qu'en le retirant du marché, les prix auraient peut-être descendu, non? Mm. Je sais pas. Peut-être qu'il aurait monté plus tard, mais pour l'instant, il aurait peut-être descendu. Pour les liquider, vu qu'ils n'en feraient plus. En tout cas, c'est pas le cas. C'est encore dans la lignée des iPods sur leur site et le prix reste le même, alors qu'il n'a pas été mis à jour depuis genre 2 ans. Mais bon. Voilà pour les nouveaux produits Apple. Somme toute, quand même assez intéressant côté technologie, mais sinon, quelques petites déceptions, surtout par rapport aux attentes que les gens avaient. Mais je trouve ça bizarre que les gens attendaient déjà l'iPhone 5. C'est ça le problème. C'est parce que avec les blogs de nos jours, le problème, c'est que les gens font de la spéculation à tous les jours, chaque heure de la journée. Oh ouais. Donc, tu vois, sur n'importe quel blog d'Apple, même un blog sérieux de nouvelles, va tout le temps avoir les dernières petites rumeurs de Tata qui leur a envoyé par courriel. Oh, j'ai des sources. Puis là, le monde se crée quelque chose dans leur tête qui est absolument inatteignable. T'sais. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Oh ouais. Les investisseurs ont accueilli d'ailleurs froidement le tout nouveau iPhone 4S dont on parlait. À la lueur de la réaction initiale des investisseurs suite à la présentation du tout nouveau iPhone 4S, force est de constater qu'ils craignent que ce modèle ne soit suffisamment en ligne avec les attentes des consommateurs déchirées par la montée croissante d'Android. En conséquence, le marché boursier pénalise le titre d'Apple, celui-ci tremblant de 5,35% à $354.55 vers 15h10 hier. L'iPhone 4S est plus puissant, plus rapide, bon, etc., mais la disponibilité imminente de iPhone 5 n'a pas semblé impressionner l'actionnariat du groupe. Donc, on pensait que ça allait peut-être aider d'avoir le nouveau système iOS 5 avec le centre de messages et un paquet d'autres affaires qui vont être ajoutées à ça. Mais bon, donc, ben c'est normal. J'ai lu d'autres articles américains qui disaient que à chaque lancement de produit, d'habitude, iPhone descend un petit peu, puis après ça, finit par remonter dans les jours suivants pour aller plus haut qu'il était déjà. Bon, on verra. Autre nouvelle de ce côté-ci, de Microsoft. De Microsoft sur les lecteurs MP3, ils ont tué officiellement le baladeur Zoom. Est-ce que tu te rappelais que ça existait? La Zoom de Microsoft. Est-ce que tu savais que ça existait à la base? Ça, c'est le lecteur MP3? Là, l'équivalent du iPod chez Microsoft. Ouais. Donc, le groupe a annoncé mardi qu'il cessait de fabriquer le baladeur Zoom, qui, en 5 ans, n'a jamais trouvé son marché pour concurrencer l'iPod d'Apple et dont les fonctions sont désormais reprises sur des téléphones portables. Et je cite, « Nous avons récemment annoncé qu'à l'avenir, le système Windows Phone serait au centre de notre stratégie musicale et vidéo et que nous ne produirions plus de baladeur Zoom. » C'est ce qu'a indiqué Microsoft sur une page de son site. C'est la première fois que Microsoft confirme officiellement la mort de la Zoom, dont la dernière version était sortie en septembre 2009. Dès février 2010, Microsoft avait annoncé que le logiciel Zoom migrerait sur les téléphones. Le groupe de Redmond poursuit encore le développement de ce programme et a même lancé lundi aux États-Unis et au Canada une nouvelle formule du Zoom Music Pass, oui, avec un forfait à $10 par mois pour un accès illimité à 14 millions de chansons, des dizaines de milliers de vidéos et etc. qui peuvent être écoutées sur des appareils Windows Phone 7, entre autres. Toujours sur le sujet de Microsoft, le PDG serait sous-payé, François. Sous-payé, outrage. Oh, je suis sûr qu'il fait pitié. Ouais. Certain. Le comité de rémunération de Microsoft. Comité de rémunération de Microsoft, ils font juste ça. C'est un peu comme le comité de refonte des panneaux de signalisation du campus de QTR, j'imagine. Le comité de rémunération de Microsoft vient de déterminer que le PDG de l'entreprise, Stephen A. Ballmer, aussi connu sous le nom de Stevie, est sous-payé. Dans le document soumis par Microsoft à la Securities and Exchange Commission et intitulé 2011, je vais y aller en anglais, 2011 Proxy Statement Annual Meeting of Shareholders, page 34, la mention Underpaid. Sous-payé et sans équivoque concernant la rémunération de Ballmer en fonction de l'importance de son rôle. On dit que Pour l'année fiscale 2011, M. Ballmer serait ainsi éligible à un salaire de base de 682 500 $. Ça, c'est de base. US, de base, auquel s'ajoute un bonus en argent de 1,37 million de dollars US. Le comité responsable de la rémunération chez Microsoft soulève que les pairs de Mr. Ballmer, occupant un poste comparable, peuvent obtenir une rémunération annuelle avoisinant 1,4 million de dollars US en plus d'un bonus financier de 4,5 millions. À ce niveau, la rémunération totale de la tête dirigeante de Microsoft semble plutôt mince à 2,05 millions de dollars annuellement. On rappelle dans l'article que M. Ballmer figure néanmoins à la position numéro 19 du plus récent palmarès Forbes, The Richest People in America. Numéro 19. Ben ouais. Pauvre chouette, hein? Sous-payé. Pauvre chouette. Un partenariat entre le réseau social de Mark Zuckerberg, Facebook et la société de sécurité informatique WebSense va permettre d'éliminer tous les liens malveillants publiés sur Facebook. Donc, quand un utilisateur va cliquer sur une adresse Internet qui a été affichée dans Facebook, ce lien sera envoyé à WebSense pour en vérifier l'intégrité. Le principe est assez simple puisque le système fonctionnera en temps réel et dès que WebSense détectera une URL dangereuse, c'est une adresse, l'utilisateur qui aura cliqué dessus se verra notifié la dangerosité d'aller plus loin. J'aime le fait que ce mot-là existe, dangerosité. On dirait un mot que j'aurais inventé. WebSense n'aura pas accès aux informations privées des utilisateurs, c'est en tout cas ce qu'affirme Facebook, qui précise que son action se limitera à vérifier les liens lorsque l'utilisateur clique dessus. Les deux partenaires n'ont pas encore annoncé de date officielle de lancement, mais ça devrait se faire assez rapidement au vu des rapides nouveautés mises en place dernièrement. Il nous reste quelques petites affaires rapidement. J'ai envie de parler de Nintendo qui vient de bannir en France les linkers pour la DS. Ça, c'est les trucs qui te permettent de jouer à des jeux illégalement sur la DS. François. Ah, c'est fun! C'est bien pratique. 5 ans après une première plainte de Nintendo, la Cour d'appel de Paris a interdit l'importation et la revente en France des linkers, ces cartes flash permettant de charger sur la console portable DS des jeux piratés. Nintendo a communiqué sur une décision judiciaire qui lui est très favorable. Le 26 septembre dernier, la Cour d'appel de Paris s'est en effet prononcée en faveur de l'interdiction de l'importation et de la revente de dispositifs permettant de copier des jeux pour la console DS de Nintendo, condamnant au passage la société Divineo à 5 autres co-accusés à une amende de 460 000 euros et à 4,8 millions d'euros de dommages et intérêts au total. C'est presque le salaire de Steve Ballmer. Certains dirigeants ont même écopé d'une peine de prison avec sursis. Wow! Ces dispositifs qui sont dans le collimateur sur les linkers, ces cartes flash aussi appelées R4 ou Magicom, il y en a un paquet comme ça. Cette décision qui fait jurisprudence étant à la France, la protection contre les linkers déjà en vigueur aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Belgique. Pour le moment, les particuliers ayant utilisé ces cartouches piratées ne sont pas concernés. On parle que des fabricants, ils pourraient le devenir. Par contre, les gens qui les achètent, s'ils s'aventuraient à importer eux-mêmes ces linkers depuis l'étranger, donc si tu achètes une cartouche de France et tu l'importes au Canada, peut-être que, je sais pas, peut-être que, ou le contraire, du Canada ou à la France, vu que c'est la France dont on parle ici. Voilà. Et d'ailleurs, dans le même domaine, la 3DS est finalement piratée. Dans le même genre. Donc, on sait que Nintendo n'aimera pas ça du tout, mais le fait de savoir qu'un groupe de pirates est finalement parvenu à abattre les défenses de la petite console 3DS risque de ne pas faire trop plaisir. Cela dit, la vidéo des fameux pirates qui circulent sur le net et dans laquelle ils parviennent à lancer une version de Splinter Cell 3D sur un circuit imprimé artisanal prouve évidemment que le procédé n'est pas rendu à sa phase finale. Donc on voit littéralement les gars avec une carte, tu sais, des cartes vertes là, avec des puces dessus, là, ouais, sortir de leur console. Donc pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point, mais ça s'en vient, la 3DS. OK. Voilà pour les nouvelles. On va parler un petit peu juste des nouveautés en magasin cette semaine parce qu'on l'a pas fait hier. François, il y a quand même quelques jeux qui pourraient peut-être t'intéresser, mais c'est pas une très très grosse semaine en ce début d'octobre. Sur une multiplateforme, on a le nouveau jeu Rage sur Xbox 360, PS3 et PC par Bethesda Softworks. Dark Souls sur Xbox et PS3 de Namco Bandai Games. Spider-Man Edge of Time sur Xbox, PS3, Wii, 3DS et Nintendo DS de Activision. NBA 2K12. Oh, de 2K Sports sur Xbox et PS3. Et Just Dance 3 sur Xbox et la Wii. Wouhou! Hey, ça, hein? Est-ce que t'as essayé? Arrêtez. Non. Ben trop non, difficile. Non, ça. Non. Y a-tu un tapis qui vient avec ça? Non, c'est ça. C'est, sur la Wii, oui, j'imagine. Je sais pas pour la Wii, mais sur la Xbox, c'est vraiment avec Kinect. Là, OK. OK. Tes bras, tes jambes. Okay. C'est tellement compliqué. Ma soeur joue à ça, je l'ai vu. Ah, c'est vraiment ben trop dur. sur la Wii seulement, on parle de The Core Gang de Atari. Et sur Nintendo 3DS, je vous en parlais hier, Tetris Axis. Ouais. De Nintendo of America. Et je crois que c'est Hudson Soft qui a travaillé là-dessus. Ah, je sais pas. Voilà pour ça. Et puis, il nous reste juste la chanson de Chiptune. Oh. On arrive à ton moment. Oh. Une autre bonne pièce là, qu'on s'en va entendre de musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou essayant de reproduire le son des consoles de jeux vidéo. On écoute DW avec la pièce Tree Butter 2A03. Hein, c'est... Quoi? Je vais te leur dire après. Cet assemblage requis, c'est la chronique CNX. Mathieu Plante, pièce détachée, assemblage requis. mon corps, mais ne se le disent plus tellement souvent depuis déjà un bon moment. Ils ne le savent pas encore, mais demain, au réveil, rien ne sera plus jamais pareil. Marc Derry et la pièce Welcome sur l'album numéro 4. C'est le numéro, là, ça s'appelle numéro 4. C'est pas la pièce numéro 4. Non, non, non. On se comprend, François? Et on se comprend, Mathieu. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On continue de. Je dis tout le temps ça, on continue. On continue quoi? On continue de construire, à construire. Est-ce qu'on dit de ou à? De. On continue à construire, de construire. À construire, je pense. On construit votre journée à partir de matériaux de qualité. De qualité. De qualité. Mais là, on a une poutre ce matin qui On balotte un peu, hein. Il ouais, nous faudrait quelques zones campus en dessous de la patte là, pour égaliser les pattes. Exactement, car Myriam est absente. Oui. Elle a un gros rhume. D'où la musique funèbre en arrière. C'est triste, hein? Oui, oui, c'est triste. Eh hey, Mathieu, je te parle de quelque chose qui est un peu moins triste, par exemple. Good. C'est l'exposition de photos d'Olivier Croteau, qui s'appelle 360. Olivier Croteau, d'ailleurs, qui travaille photographe pour le quotidien Le Nouvelliste. Ah, cool. Moi, je l'appelle D.O.C. O.C. Olivier Croteau. O.C. C'est vrai, tu l'appelles du monde? Tu le connais-tu, non? Non, du tout. En tout cas, très bon photographe. C'est un passionné qui a réussi à faire sa marque depuis plus de 7 ans dans le monde de la photographie, le snowboard. Ah. Oui, pigiste pour différents magazines spécialisés. Il a été senior photographe pour le magazine Snowboard Canada à partir de 2009. Maintenant, l'emploi de King Snow Magazine, basé à Vancouver. Le gars, il voyage beaucoup. Il a des très belles photos. Il vient du coin. Donc, voilà, ça se déroule l'exposition d'Olivier Croteau, 360 degrés, au foyer du Centre des Arts de Shawinigan. Donc, en fait, c'est au 2100 Boulevard des Êtres, à Shawinigan, bien évidemment. Et ça se déroule du 8 au 16 octobre prochain. Je vois ses photos en ce moment, là, c'est vraiment beau. Ah, le gars est bon. Oui. Très bien. Lui aussi, il utilise aussi. Aussi. Aussi. C'est hot comme nom, Oui. Voilà. D'ailleurs, je pense que, en fait, là, je ne l'ai pas sous la main. Faudrait. Il y a un site internet. Oui. T'es là-dessus? Oui. C'est quoi, c'est? Celle-là. J'espère que c'est celle-là. Je ne vais pas mentionner l'adresse. Est-ce que c'est olicroto.com? Ouais, exact. Snowboarding, voilà, ouais, c'est ça, tout à fait. C'est beau, c'est beau, ouais, c'est bon. Ouais. Parce qu'il y a l'air d'avoir peut-être plusieurs Olivier Croteau photographes, je ne vais pas me tromper. Non, ils sont très belles, ces photos, pour vrai. Ça vaut la peine. Oui. Allez voir ça. Aïe. Ah ouais. Le gars, il a l'air d'être. En tout cas, le gars, il a l'air d'être sur un mur avec son snow. C'est vrai. Wow. Oh ouais, c'est des très belles photos. Là. C'est génial. Donc, Olivier Croteau et olicroteau.com. Exact. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Oui, ah. On va retourner en musique et entendre un petit peu de Salomé Leclerc. Est-ce que tu la connais? Fantastique. Est-ce que t'aimes ça? La pièce? Ça. Est-ce que tu t'en rappelles? Non. Tu l'as pas en tête, hein? Non. Je vais te faire journée. Je vais te faire tourner. Journée. Ça va améliorer ta journée. Et la pièce s'appelle Tourne encore. Oh. Okay. Ça, je t'ai fait tourner. Vas-y. Tourne encore. Ouais. De t'assemblage requis jusqu'à 9h. J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage. J'aurai la tête sur l'oreiller, à peine poser les plumes aux pieds. J'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. Il faudra regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain. Marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore. Sur de mes pas, je prends le large, les idées un peu moins sages. Je marcherai sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle, que je ris bien ou que je grogne, il y aura toujours sur ma peau blanche mes détours et absences. Salut Leclerc, avec la pièce Tourne encore. On se demandait si on venait ou si on présentait la pièce comme ça, juste pour vous, comme cadeau. Mais à la place, on va venir entre les deux pour vous dire que c'est The Horrible Crows qu'on s'en va entendre. Oui, membre de la formation Gaslight Anthem. Oui, et que... toi, t'aimes beaucoup Gaslight Anthem. Oui, oui, oui, j'ai vraiment très apprécié leurs albums. Là, je sais pas à quoi m'attendre, par exemple. Ce qui paraît, c'est comme plus smooth un peu. Acoustique, peut-être un petit peu par moment. Ouais, je l'ai pas écouté, Horrible Crows. Mais on a hâte de l'entendre et j'ai pré-écouté quelques pièces. J'en ai trouvé une qui a l'air entraînante, là. OK, sur bon. L'album LC. On va écouter ça. Voici Behold the Hurricane. This house creaking. like the morning. Silhouettes, they haunt this house, like a memory haunts me now, as if it were a dream. As if it were a dream. It's such a shame. La pièce Behold the Hurricane sur l'album LC de The Horrible Crows dans Assemblage Rocky. J'aime ça. Oui, tu j'aime demandais ça. Si moi j'aimais ça. Oui. Ouais. Bien. OK. Mais plus convaincant à ce coup-là. Je ne pas sur, sur chose like. Gaslight Anthem non plus. Donc, c'est vraiment le même ouais. genre. Oui, oui, oui. Ça ressemble beaucoup. En tout cas, cette pièce-là. Si on ne m'avait pas dit que c'était un autre groupe, j'aurais dit c'est sur Gaslight ouais. Anthem. Oui, oui, oui. Ouais. Cette pièce-là, comme tu dis, le reste de la même est peut-être différent. En fait. Ouais. Je vais essayer de l'écouter. Je vais essayer de l'écouter d'ici la fin de semaine. Parce que, en fait, je veux pas être pressé. Tu sais, je veux pas dire pour demain. Ouais, ouais. Non, je veux pas. Je veux pas dire. Pas de carquin ici, assez fou de pas de carquin, pas de carquin. Fait que, écoute, je vais essayer d'écouter ça en fin de semaine. Ouais, mais il y a pas de carquin. Ouais, exactement. Et je vais essayer d'écouter ça en fin de semaine et puis je vous reviendrai avec ça. Parfait. Moi, je vais continuer de couper pendant que tu parles. Parfait. T'étais bien parti. Ouais, c'est ça. Tu sais, écoute. Hey, Mathieu, tu vas pouvoir me. Le quoi? Pas de carcan, mais il y a des carquois. Il la rend, ce Mathieu Plante. Hey Mathieu, je vais te parler d'un lavoto. Hey! Hein? C'est pas n'importe carquoi. Ça fait 1000 fois que je l'ai fait, ça. Ouais. Mais c'est pas n'importe quoi, pour vrai. Non, c'est pas n'importe carquoi. C'est ça. C'est en plein ça. C'est un lavoto qui va avoir lieu au Centre catholique de Nicolette le 4-5-6 octobre. Donc, en fait, c'était hier, aujourd'hui et demain. OK. Hein, c'est bien ça? Oui. Les profits, en fait, vont s'en aller directement au centre des adultes. Ça doit être, en fait, la formation. Ça se déroule de midi à 15h. Donc, si les gens veulent aller faire laver leur auto, c'est la place. Et voilà. Et ça s'avonne mieux qu'avec la pluie. Ça s'avonne mieux qu'avec la pluie. Plus ouais, propre. Effectivement. Mais quand il pleut, c'est rare qu'on va faire laver son auto. Ben, c'est ça. C'est vrai. C'est le centre carquatholique, t'as dit? Aïe, aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est tout. Inconfortable, hein? Mais non, pas tant que ça. Malaise, pas non? Pas tant que ça. Ma non. blague, je parle. Ah, la blague? Ouais. Ah, c'était une blague, premièrement. c'était une phrase avec un point puis une. Puis un verbe. Puis un verbe? Ouais. OK, ouais, c'est bien. Écoute. Bon, ça va faire. Félicitations. Merci beaucoup. C'est la fin de la première heure, François? Oui, OK. Ça finit, je trouve, très, très bien une première heure, tout ça. Vraiment, là? Ouais, effectivement. On se retrouve tantôt, on n'aura pas de Myriam Fugère. Non, elle est pas là, elle est malade aujourd'hui. Donc on va remplacer ça par quoi? Peut-être un poste d'écoute. Peut-être. Oh, ouais. Je sais qu'il y a une chronique, c'est un fait qui s'en vient aussi. Formidable. Et la chronique de Yann Martel. Yann Martel, oui, effectivement. D'ailleurs, Yann Martel va nous parler du site internet Attendez que je remette la main dessus. C'est pour les trucs de frais étudiants. Ouais, les informations qui sont mises en ligne par le ministère de l'Éducation sur l'augmentation des frais de scolarité. Voilà. C'est à venir ton tour. Restez là. Et l'info campus s'en vient aussi. Plein de contenu. Oui. Oui. C'est quoi, un cheval, ça? Oui. Oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa, makes me wanna smoke crack. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Rocky, émission qui fait partie d'un petit déjeuner complet. On est le mercredi 5 octobre 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, Extra Pulpe. Extra Pulpe, ce matin seulement, par exemple. Ouais, c'est ça. D'habitude, j'ai le petit filtre, le petit truc. Là. Ça va mal, cette affaire-là, pour enlever la pulpe. Là. Mais t'enlèves pas la pulpe. Il y en a qui aiment pas la pulpe. Moi, j'aime bien, mais juste en petite quantité. Là. Ouais. Parce qu'il y a du jus qui précise Extra Pulpe. Là, ouais, ouais. Full pulpe. Ouais, c'est le jus que j'achète. Tu le marches? Ah non, sérieux, j'adore ça, moi, les pulpes. Amène-en, tant qu'il y en a. T'aimes ça quand c'est gluant, toi? Oui, il n'y a pas de problème. Mais je vois pas pourquoi ça prend une prise si tu peux acheter du jus, pas de pulpe. Mais si, mettons, ta copine aime le pas de pulpe, mais que vous voulez pas acheter deux pots. Hein, si elle aime galons. Pas le pulpe... La pulpe. La pulpe? Elle veut l'enlever. Elle veut l'enlever? Elle peut acheter une autre bouteille. Mais sinon, tu peux en acheter deux, ça va juste durer deux fois plus longtemps. Ouais, mais c'est des 2 litres, ça dure pas, t'sais, ça dure pas assez longtemps, t'sais, mettons, t'sais, tu vas le perdre. Mettons, là, mettons. Colin, non, c'est fatiguant, toi aussi, ben. François, est-ce qu'on se fait un poste d'écoute? Non. OK. Le poste d'écoute de C'est fou, c'est l'endroit dans l'émission où on vous présente une nouveauté de la discothèque. Et là, le directeur musical qu'on salue, Alain Lefebvre, m'a suggéré un album du top 30 des CD. Il m'a dit, écoute ça, c'est quelque chose, c'est différent, il se passe des affaires, c'est pas comme les autres, c'est particulier. Je pourrais continuer longtemps, ça, de dire ça. Oh oui. Mais c'est dans le top 30 des CD, donc on sentait qu'il y a une qualité derrière. J'ai regardé, pour commencer, évidemment, la pochette. François, tu la vois toi aussi. Ouais, c'est assez spécial. Là. C'est assez. On y retrouve. En fait, qu'est-ce qu'on y retrouve? Je sais pas, une main sur quelque chose là, de très très rose. On voit ça de très très près, donc c'est difficile de comprendre qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu veux la décrire? Décris-moi ça, s'il te plaît, François. Dur, hein? C'est. Oh non! Ça va comme ça! Ah, ça va à l'envers. C'est la tête d'une personne. Oui, avec une main. Ouais, avec une main en arrière de la tête. Ça va comme ça, et puis en arrière. Ah, oh, ben là, en arrière. Ça se passe de commentaires. Il y a un petit gars aussi en avant, là, je pense. Qu'est-ce qu'il fait, le petit gars en noir et blanc? Il joue du... Tu vois, ça me demande de l'analyse psychanalyse. Une petite trompette, je sais pas. Là. Une petite trompette? Une petite trompette. Une petite trompette. Puis en arrière, ben écoute, ça se passe de commentaires. Hein. C'est trois fois le même gars, si tu comprends bien. Non? Ben oui. Ben. Trois fois le même gars. Tu comprends-tu l'image? Il y a un sein! Ah, ben quand même, une main sur un sein. Ok, bon, je comprends maintenant l'album et pourquoi Alain me l'a recommandé. Donc, l'album s'appelle The Year That You Switched to Cornmeal. C'est par le groupe The Rudy Schwartz Project. Et c'est ça, on va l'entendre les trois premières pièces de l'album, comme on le fait dans un poste d'écoute d'habitude. Hein. À un moment donné, ça se passe d'explication. On va entendre tantôt l'extrême succès qu'Alain m'a dit que c'était la meilleure, Cock-a-doodle-doo. Tout à l'heure. Cock-a-doodle-doo, c'est ce qu'un coq fait en anglais. En anglais, un coq fait pas cocorico. Il fait cock-a-doodle-doo. Ouais. On entendra ensuite The Surrey with the Durable Gelatin Sock, mais on commence avec Backpipe Benny. Tout de suite, c'est l'introduction du disque The Rudy Schwartz Project au 89 FM, c'est fou. Ça en fait des airs, hein? Rudy Schwartz Project. Faut avoir une gomme dans la bouche pour dire ça. Hein? Bagpipe Benny and Bagpipe Betty bought a big bag of black baba banoush. Bagpipe Benny and Bagpipe Betty bought a big bag of black baba banoush. Betty bought a bobble, made a shimmy shammy wobble. Betty bagged a bobble, bleating out the gobble gobble. Betty bought a bobble, made a shimmy shimmy wobble. Betty bagged a bobble, bleating out the gobble gobble. Betty booked a boat with his buddy in the Balkans. Betty booked a boat with his buddy in the Balkans. Then Betty and his buddy bundled up a box of baby birds. Betty and his buddy bundled up a box of baby birds. Brought the baby birds to the blueberry bush when a bumblebee bolted, bit Bobby on the ball sack. Brought the baby birds to the blueberry bush when the bumblebee bolted, bit Bobby on the ball sack. Big blue baboon blowing on a balloon, backing up and bumping off the baobab tree. Big blue baboon blowing on a balloon, backing up and bumping off the baobab tree. Baboon roll, cause he landed on his bunghole. Big blue baboon, don't blame me. Baboon roll, cause he landed on his bunghole. Big blue baboon, don't blame me. Benny and Betty took a bucket round back, brought it back full of butter, bopping to the burp back around. Benny and Betty took a bucket round back, brought it back full of butter, bopping to the burp back around. Bagpop Benny and Bagpop Betty bought a big a bag of black baba banoosh. Bagpop Benny and Bagpop Betty bought a big a bag of black baba banoosh. Get up, I'm making sausage. Sausage? That's right, Waldo. Sausage and eggs. Hey, is this gonna be one of those songs with lots of sophomoric sexual innuendo? You bet it is, Waldo. Are you ready? You bet I am. Well, here we go. Oh, boy. Cock, cock, doodle-doo-doo. The man on the corner says cock-a-doodle-doo. When the clouds roll away and the sun peeks through, sing a song of cock-a-doodle-doo. Grandpa's really getting out of hand, then complaining about his prostate gland. But he still packs a stiffy with the veins so blue. When the blood comes into his cock, cock, doodle-doo-doo, the policeman waves and says cock-a-doodle-doo. When the clouds roll away and the sun shines through, everybody cock-a-doodle-doo. Willie Johnson's on the slab for an appendectomy. Willie's feeling nervous, cause with one little slip you can jump on the tip of a cock, cock, doodle-doo-doo. The nurses laugh and sing cock-a-doodle-doo. When the patients wake up and the surgery's through, everybody cock-a-doodle-doo. Pick up some groceries. I'll get the car keys. Yeah, I could sure use some zucchini. Let's get a box of those Jimmy Dean corn dogs. Weren't you gonna make cucumber salad? Pushing our cart at the grocery store. Grocery's prices are high, I'll tell you that's for sure. Yeah, the cabbage and taters make a mighty fine stew. When we throw them in the salty butter, cock, cock, doodle, doo, doo. The grocer man laughs and says cock a doodle doo. When he wraps it all up in a bag for you, sing a song of cock a doodle doo. Grandma shops for garters at the 5 and 10 cent store. The store clerk likes to barter, cause he knows that granny's such a naughty little whore. Cock, cock, doodle doo doo. The store clerk likes to sing cock a doodle doo. When the shades roll down and the day is through, everybody cock a doodle doo. Ah bonjour monsieur, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous avez pour moins de 80 sous? J'ai des haricots blancs et du saucisson. Je ferai un cassoulet. Ah c'est bon. Co-co-cocorico, le monsieur au coin dit cocorico. Con le soleil, jetez un coup d'œil à vous. Ria di cacadourlou. When the sun comes up and the clouds go away, when the milkman asks any eggs today, everybody cacadourlou. Thank you. Soviet, but war has accomplished much in the progress of the world. I'm willing to admit that there are certain crises in the forward march of Christian civilization that perhaps could not have been met in any other way than by the sword. I'm willing to admit that war developed certain heroic traits in men and furnishes a test for the evidence of the highest character. Currents in that protoplasm, the probe could drift thousands of kilometers. I am the jolly happy scrotum. I come from jolly scrotum land. He is the happy jolly scrotum. He thinks that genitals are grand. François me demandait combien de temps qu'il reste. 12 secondes. Ouais, 12 secondes. Mais il voulait savoir parce qu'il y avait hâte que ça finisse, je pense, hein? Non, mais je m'en allais te voir. Oui? Mais j'étais debout. D'accord. C'était pas pour me dire, pour me venir m'apaiser sur mon bouton éject sur mon lecteur. Non. Loin de là. Donc, ton opinion, François, sur The Rudy Schwartz Project? Moi, personnellement, François-Olivier, j'ai pas aimé. Ouais. Ben, c'est correct de l'admettre. Moi, je dois dire que la pièce numéro 2, Cock-a-doodle-doo, celle qu'on m'avait conseillé le plus, qu'on a entendu juste avant celle qui vient de jouer, je l'ai bien aimée en tant que pièce humoristique. Je peux comprendre que les gens qui comprennent pas l'anglais ne comprennent pas et donc trouvent pas ça drôle et trouvent ça mauvais musicalement. Ça se peut. Je comparais ça peut-être à, mettons, quelque chose d'humoristique comme Flight of the Conchords. Et là, François me disait, mais Flight of the Conchords, c'est accessible un petit peu plus. Ouais, mais moi, je trouve. Tout many dicks. Ben, c'est, d'accord. C'est comme plus entraînant. Wow! C'est drôle, mais tu sais, sans plus, tu sais, je pense pas que je réécouterais ça, genre jamais. Pas. Mais non, quand même. C'est dans le top 30 des CD, donc ça a une certaine qualité, mais je sais pas. Je reste froid un peu à l'idée. The Rudy Schwartz Project, myspace.com/, vous trouverez vous-même comment l'appeler sur Google. Rudy Schwartz Project. On retrouve là-dessus des pièces à écouter, bien évidemment, des sections de vidéos, et puis on pourra savoir plus sur le groupe en tant que tel. Je pensais pas une heure non plus à en parler. Ils sont sur Facebook aussi, Rudy Schwartz Project. Là-dessus, plein de blagues et de drôleries postées sur leur page Facebook. allez les rencontrer si ça vous intéresse. L'album s'appelle The Year They Switched to Cornmeal. Et voilà pour le poste d'écoute d'aujourd'hui, François. On en fait un ou trois semaines et on tombe sur ça. Mais bon. Ouais. Non. Il y aurait eu d'autres choses sur la liste qui auraient eu priorité si on ne m'avait pas dit tu vas aimer ça ou tu devrais faire jouer ça. Oh. Ouais. François? Mathieu? Est-ce qu'on transitionne vers une chronique? C'est un fait. Maintenant. Transitionnons? Ah ouais? Mais, okay. Mais j'ai pas de bruit de transitionnement. Ça aurait pu, non? On dirait un barbershop quartet, genre. Non? Avec les rouges et blancs. Les quoi? Les rouges et blancs avec les chapeaux. Oui. Hello, my darling. Hello, my darling. Tu vois pourquoi je suis pas dans un barbershop quartet. Ouais, voici, ouais. C'est un fait. Quoi qu'on pourrait faire la chronique chantée au complet, c'est comme on pourrait chanter des faits à la place de je t'ai dit. Enfin, j'avoue que ça peut être plate de je t'ai dit. Ouais. OK, je commence par le premier, OK? Un fait de sport. Les New York Yankees étaient originellement connus sous le nom des Baltimore Orioles. Les autres déménagent. Les Baltimore Orioles, les Yankees. C'est des faits de ma chanson. Ils s'appellent les Baltimore Orioles. Ouais, mais je vous comprends. Oui, je te comprends. Ils ont déménagé à New York en... J'arrête ici. En 1903, ils ont déménagé à New York en 1903. Ils sont devenus les Highlanders. D'accord, donc les Orioles, les Highlanders et ensuite les Yankees. Donc l'équipe qu'on connaît sous le nom des Yankees s'appelait pas de même avant. Étrange, mais vrai. Oh. Quand même, hein, ils ont choisi un beau nom à la fin, les Yankees. Oh. C'est comme Yankee Doodle. I'm a Yankee Doodle Dandy. Arrête de chanter. C'est ça, oui, je sais. En Géorgie, le pays, là, oui. Pas l'État que Sarah Palin voit de chez elle, là, le mot « zeg » veut dire le lendemain, le jour après demain. C'est « zeg ». Ils ont un mot pour ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mot pour ça? Le surlendemain, mettons, ben, c'est un peu ça le mot, finalement. Il y a quelque chose de court et de catchy. « Zeg ». Zeg. Comme on pourrait dire, tu sais, demain assemblage requis, puis après ça, on pourrait dire zeg à assemblage requis, après-demain. Ouais, on pourrait. On pourrait aussi ne pas. Non, c'est ça. C'est ça. Avant de choisir le nom BlackBerry, la compagnie Research in Motion, compagnie canadienne, ceux qui ont inventé le BlackBerry, ont pensé au nom EasyMail. EasyMail, ouais, c'est pas pire. C'est quand même pas pire. ProMail. Ouais. Hein, et MegaMail. Ça, c'est Megaman. Megaman. C'est comme Megabug, tu sais, reboot. Le Megaman, oui, Megaman, exactement. Ils ont aussi pensé à Strawberry, une fraise. Bizarre. Hey, j'étais sur mon Strawberry. Ben, Apple. J'avoue, Apple. Ou encore Daryl Strawberry, là, le joueur de baseball. Ouais. Là. Ouais, c'est à peu près ça, hein, comme Strawberry. Moi, ça, tu connais un joueur de baseball. Il y a un épisode des Simpsons là-dessus, non? C'est vrai. C'est ça. Les chenilles. D'accord, les chenilles de la famille Totrisadé. Totrisadé. Ah ben oui. Tortrisadé, c'est ça. Ben oui. Peuvent marcher à l'envers, vers l'arrière, plus rapidement que vers l'avant. Okay. Les chenilles de la famille des Tortrisidés. Spécial quand même. Quand même, quand même, quand même. Aucune chenille ne fait des bruits autres que le mâchouillage. Mâchouiller, mâcher quelque chose. C'est le seul bruit que les chenilles font. Aucun et autre. Et on se rappelle, hein, ils font pas l'amour, font donc pas, l'amour. Pas de bruit d'amour. Pas de bruit de sexe. Hein? Non. J'essaie d'imaginer le bruit. La compagnie Halls. Ben, en fait, je sais pas si c'est une compagnie, mais en tout cas, oui. Halls, la compagnie. Les passés. Les passés Halls. Là. Ceux qui font les passés. À l'origine, faisait de la confiture et du savon. Halls. Confiture, c'est comme confiture strawberry, Daryl Strawberry. Ouais. J'imagine que c'est ça. C'est un bon lien. Toujours un bon lien. Savais-tu que les muscles de tes yeux bougent 100 000 fois par jour? Juste là pour faire ton look de surprise, là. T'en as sûrement utilisé une 20 000. Non, je sais pas. Là, j'invente des affaires. Mais 100 000 fois par jour, les muscles de tes yeux. Si tes jambes bougeaient autant que tes yeux, tu marcherais 50 000. 50 000. 50 000? 1000 comme la mesure, là. OK. 1000. Hein? C'est beaucoup de mouvement quand même. Oui, c'est... Les muscles des yeux ont une protéine spéciale qui les empêche de se fatiguer en bougeant aussi vite que ça. En fait, si tu regardes les yeux de quelqu'un, tu vas remarquer qu'ils sont tout le temps en train de bouger. Ils restent jamais vraiment immobiles, à part pour le gars de Dominique Martin. Ils bougent pas mal tout le temps. C'est aussi drôle qu'une blague dans l'émission de Dominique Martin, ça. Ouais. Ou un spectacle. Ou un spectacle. Ou une référence plus courante. Pas, que... C'est pas les... C'est pas une grande gueule, mettons. Ben là... Dans le sens de qu'ils sont pas si mauvais que ça. OK, moi. Ouais. Sur une échelle de 1 à grande gueule, ils sont très mauvais. T'as Dominique et Martin, c'est un... Gr. Ouais.

Ils ont engagé une DJ de Houston, donc une personnalité radio. Ils ont toutes exactement la même voix, les DJ féminines de la radio. On connaît tous la voix. Donc, pour lire Playboy, pour les aveugles. Et en plus de lire les articles, et là, je te rajoute un détail qui va te fasciner. Non seulement elles lisent les articles, mais elles décrivent les photos. Oh, oui, c'est sûr. Donc là, t'as une fille, t'es à peu près blonde, je dirais peut-être 5 pieds 10, hein, puis là, ben, elle est en train de se toucher. Et c'est ça. Ça... Non, mais sûrement qu'il rentre dans le personnage en tant que tel. Ben, j'imagine. Il joue le personnage? Ben, tu penses? Ben, ah, bonjour, je suis Roxane. Je porte un maillot de couleur. Ah ouais, tu penses? Ben. J'ai pas envie d'être avec, finalement. Non, en fait, non. J'ai jamais vraiment eu envie non plus. C'est ça. Pour terminer, parlant d'un gars qui n'est pas aveugle, et celui-là est je dirais, le plus loin possible d'être aveugle, le gars est capable de lire des chansons sur des vinyles, François. Dans les trous d'un vinyle. Avec son doigt? Non, avec ses yeux. Hein? Le docteur Arthur Lindgren peut déterminer quelle pièce de musique classique est sur un album vinyle juste en le regardant. Sa connaissance de la musique classique retourne très très loin vers l'arrière jusqu'à Beethoven. Donc n'importe quoi entre Beethoven et le reste après peut être identifié sur les bosses du vinyle. Donc en regardant l'espacement et le contour des bosses, Lindgren peut comprendre le nombre de mouvements dans une pièce, la longueur de chaque mouvement et le son, le volume, l'intensité du mouvement. Donc à partir de tout ça, il peut précisément dire quelle pièce est sur l'album. S'il connaît la pièce, évidemment j'imagine qu'il connaît pas toutes les pièces qui sont sorties sur vinyle, là, on s'entend? Non. Mais fascinant. Docteur Arthur Lindgren, mettons. Ça se dit mieux que Lindgren. Intéressant. Ouais. Je pensais pas que ça se faisait. Moi non plus. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Merci Mathieu. Ça me fait plaisir. Merci. Très intéressant. USA. Non? Excuse-moi. Alors, on prend une petite pause, on revient avec la chronique de Yann Martin dans quelques minutes. Ça te va? Ça me va très bien. Ouais, voilà. Attends. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. C'est toujours à l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Et en voici un, matériaux de qualité. Est-ce que t'es en train de traiter de planches de bois ou de 4x4, 2x4? Ou de plantes? Oh. Il fait un jeu de moi avec mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Plante. Il dit planche. C'est pas drôle, je trouve. Non, franchement, c'est un manque de respect flagrant envers l'animateur de l'émission. Mais bon, Yann Martel, voici la chronique Finance. Donc, on accueille Yann Martel. Bonjour. Bon matin, messieurs. Vous allez bien? Bonjour. Ça va très bien? Oui, vous êtes en forme. Hein? Ben oui. Merci, toi aussi, t'as l'air en forme, non? Oui, ça va bien. Le soleil commence à sortir. Oui, fait du bien. Ça va nous réchauffer un peu le cœur. Oui, exactement. Ouais. Yann Martel, d'ailleurs, tu vas nous parler un peu des informations qui sont disponibles sur le site Internet du ministère de l'Éducation. Oui, effectivement. Depuis quelques jours maintenant, le ministère de l'Éducation a mis plus d'informations en ligne concernant la hausse des frais de scolarité. On va commencer à croire qu'ils ont bien lu l'avis qui a été émis il y a quelques semaines et qui leur mentionnait entre autres de se doter d'un bon plat de communication. Non, et puis pour avoir été faire un tour hier, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Il y a beaucoup d'informations qu'on retrouve sur ce site, notamment pour les étudiants là, qui sont intéressés à savoir un peu ce qui s'en vient au niveau de la hausse des frais de scolarité. Ils présentent différents graphiques, différentes comparaisons à savoir combien va coûter aux étudiants la hausse des frais de scolarité. Ils font un parallèle un peu avec les autres étudiants canadiens. Donc, ça donne une bonne idée aux étudiants au niveau de leur endettement, qu'est-ce que ça va représenter quand la hausse des frais de scolarité va avoir atteint son maximum en 2016-2017. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui est disponible sur le site du ministère de l'Éducation. Alors, c'est sûr qu'on invite les étudiants à aller le consulter pour se faire une bonne tête sur la situation. Exactement. Et puis, il y a des cas aussi. On peut se référer à peut-être, là, en fait, là, des cas qui sont Ben, ils présentent aussi ce que ça va impliquer au niveau de du programme d'aide financière aux études, des prêts et bourses finalement, puis ils présentent effectivement le cas de différents étudiants. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils présentent qu'est-ce qui va arriver avec l'argent, le surplus d'argent, ouais. Finalement au niveau de la hausse des frais de scolarité, à quoi va servir l'argent. Donc, pour les étudiants, on sait qu'il y a eu la fameuse marche la semaine, hier, je vais revenir à ce jour. Donc, la fameuse marche hier. Puis des fois, on participe à des événements comme ça. Puis c'est bien que les étudiants se mobilisent au niveau de la hausse des frais de scolarité. Bon, des fois, on me pose la question, vous, M. Martel, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous pour, êtes-vous contre la hausse des frais de scolarité? Mais vous, M. Martel, qu'est-ce que vous en pensez? Ben justement, je vais le dire ce matin, ce que j'en pense. Ben, c'est certain qu'on ne peut pas éternellement compter sur le gouvernement pour financer nos établissements d'enseignement. Donc, moi, je pense que cette situation-là devait arriver un jour ou l'autre. Par contre, je trouve que l'augmentation des frais de scolarité se fait très rapidement. Ils sont allés d'un gros coup d'un... ils ont redressé la situation peut-être trop rapidement. C'est ce que je reproche. Oui, exactement. On voit la courbe, d'ailleurs, dans les graphiques qui sont présentés sur le site, on voit la courbe de l'augmentation des frais de scolarité, puis on voit à un certain moment que vraiment, c'est complètement plat. Ouais. Il n'y a pas eu d'augmentation du tout. Et puis là, l'augmentation qui s'en vient dans les prochaines années est vraiment drastique. Donc, peut-être qu'on aurait pu équilibrer ça, histoire de donner une chance aux étudiants de bien s'adapter à la situation. Donc, c'est le principal reproche que je fais. Mais c'est certain qu'à un certain moment, on voit dans les graphiques qui présentent la contribution des étudiants au niveau du financement des universités. Et on voit qu'à l'époque, en 1964-65, il y avait quand même une très forte contribution des étudiants au niveau du financement des établissements d'enseignement. Et puis, par la suite, c'est une chute drastique. Les étudiants contribuaient un peu moins au financement des universités. Je ne dis pas que c'est les étudiants qui doivent complètement contribuer, mais un réajustement normal serait intéressant à ce moment-là. Mais c'est certain qu'elle est très drastique, l'augmentation qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, comme je disais, il y a une panoplie d'informations qui est disponible sur le site pour que les étudiants se fassent une bonne tête et revendiquent les bonnes choses auprès instances. Exactement. On voit, ils indiquent à quoi va servir l'argent de la hausse des frais de scolarité pour les prochaines années. Et il indique directement dans les universités ce qui va se passer. Donc, c'est une excellente occasion pour les étudiants de se mobiliser, d'aller voir le gouvernement, les instances des universités, dire « D'accord, bon, il y a cette hausse-là qui s'en vient, mais c'est quoi votre plan? Qu'est-ce que vous allez faire avec la hausse des frais de scolarité? C'est quoi les engagements pratiques qui vont faire en sorte que nous, on va obtenir une meilleure qualité d'enseignement, des possibilités au niveau de la recherche, tout ça. Donc, c'est bien expliqué sur le site. Alors, les étudiants peuvent faire un suivi, justement, du plan d'action des universités par rapport à la hausse des frais scolaires. Mais je pense que c'est ça. En fait, si on veut chialer, il faut connaître ce qui va se passer avec l'argent. Il faut s'informer. Mais je pense que ça, en fait, c'est le site par excellence. Ben, c'est un très bon outil parce que c'est certain. Idéalement, ce qu'on dit souvent, c'est pour avoir une bonne information, il faut prendre plusieurs sources d'informations. Oui, c'est ça, exactement. Parce que les informations sont souvent teintées. Ouais. Il y a aussi l'Association générale des étudiants qui a mis un document en ligne sur leur site qui contient de l'information. Bon, c'est certain, eux l'ont teinté un peu plus aux couleurs des étudiants, puis c'est normal, ils sont là pour défendre les intérêts de leurs membres. Mais en prenant toutes ces informations-là, en allant voir ce qui est mentionné dans les médias, on réussit vraiment à se faire une bonne tête sur la situation, puis par la suite, on est capable de dire, bon, voici ce qui s'en vient, alors c'est ça qu'on devrait exiger. On voit qu'il y a tel montant qui est prévu pour telle situation à notre université. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que les instances d'université ont prévu des choses à ce niveau-là? Donc, je pense que c'est la meilleure façon d'être structuré dans nos revendications, finalement. Formidable. Formidable. Je sais pas, as-tu des questions, Mathieu? Ben, l'adresse du site web, premièrement, j'aimerais... Ah, c'est très facile. Ça serait une pas pire idée. Ben oui, ça va aider beaucoup nos étudiants à trouver le site. www.mels.gouv.qc.ca. Et quand vous arrivez sur la page du ministère de l'Éducation, vous avez des rubriques qui déroulent en continu. Et la première rubrique, c'est les droits de scolarité, la hausse des droits de scolarité, okay. Finalement. mels.gouv.qc.ca, ce qui est plus simple que la plupart des adresses du gouvernement qu'on voit à la télé des fois. C'est oui. Tout un 3-4 syllabes de paragraphes de style. /ci/ça. C'est ça, ouais. Non, celle-là est très facile. Trédignon, ouais, quand même, ça a bien du sens. Voilà, donc merci beaucoup, Yann Martel. Ben, ça me fait beaucoup. Plaisir. Dans le fond, c'est ça, la chronique de ce matin, c'était un peu pour donner un maximum d'informations aux étudiants. Peut-être qu'il y a un peu moins de contenu, mais tout ben, le contenu... C'était concis. Ben, et voilà. On aime ça. Oui, on aime ça. Et apprendre des mots. Puis comme je disais, toutes les informations sont disponibles sur le site, alors j'invite les étudiants à aller le consulter. Tout à fait, je suis sûr qu'ils vont le faire. mels.gouv.qc.ca.

The Lovely Feathers et la pièce Le Wiser, assemblage requis, François. Et Dieu sait qu'on aime ça. Chose sait qu'on aime ça. Là. Chose le gars. Là. Donc, avec nous en studio, les animateurs, etc., chroniqueurs et tout, ils font tout en même temps. De SPM de gars qui suivent à 9h tantôt. Allô? Salut les gars. Hey, salut. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous autres. Bien sûr. On reconnaît la voix de Marc-Antoine. Ah oui, ben j'espère. Qui animait avec Nicolas Ducharme l'année passée. Le beau Marc-Antoine! C'est vrai qu'il est beau. Moi, je l'appelle la voix sportive. Ouais, la voix sportive. Mais j'ai encore une chronique de sport dans l'émission. Émission dans l'émission de SPM de gars? SPM de gars. Tu vas faire. Suis à l'instant, là. Suis à l'instant à 9h. Ça va être tous les mercredis de 9 à 10h. OK. Une émission SPM de gars pour sport, politique, médias. Mais aussi pour plein d'autres choses. Wow, ça va être super bon. Donc, si on comprend bien, cette chronique de sport, ça va être. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Chaque chroniqueur va s'aligner un après l'autre, comme ça, comme un genre d'alignement de sport. J'essaie de faire des références sportives, puis je comprends rien. Ouais, un alignement de sport, tu sais, ils disent tout le temps ça, un alignement. Un alignement de sport. En même temps, il va y avoir la chronique à toutes les semaines, chronique politique. Ça va être à chaque semaine, chronique sportive, politique et médiatique, plus dans le sens d'actualité qu'il y a eu au courant de la semaine dans le monde médiatique. OK. Mais donc, Marc-Antoine, tu fais pas uniquement les sports? Cette semaine, oui. OK. Mais ça se peut qu'on change de sujet de semaine en semaine pour s'habituer à tous les c'est sujets. C'est juste en même temps apporter un sujet puis parler de ça. C'est vraiment ça, un talk radio. Là, c'est discuter du sujet d'actualité puis donner nos opinions puis nos questionnements puis se poser les questions ensemble puis un peu faire une émission de gars. Là, jaser de sport. La testostérone, festival de la saucisse, comme vous voulez, c'est n'importe quoi. Ouais. Hey, est-ce qu'il y a un petit peu de musique dans cette émission-là, quand même, un petit peu? Oui, de 3 à 4 chansons, là, par... Ouais. C'est plus du talk qu'une émission musicale. C'est sûr qu'en même temps, on est à radio, il faut quand même mettre de la musique. Un petit peu. Mais c'est une émission de création orale qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle en anglais du talk radio. C'est plus pour... c'est encore des jeux de communication aussi qui a lieu en mars prochain. C'est pour ça, c'est notre épreuve radio. Puis l'épreuve là-bas, c'est du talk. C'est dans la ville de Québec. On sait que la ville de Québec, ils sont forts là-dessus, c'est le talk. T'as des talks radio, la radio poubelle, mais nous autres, ça sera pas de la radio poubelle, loin non, de là. Ben non, quelque chose de constructif. Ça très, très bon. Est-ce qu'il y en a un qui va moins parler dans le groupe ou toi, est-ce que tu parles un petit peu moins dans l'émission aussi ou c'est juste paradon comme ça? Non, moi je parle, c'est juste que là, j'ai pas d'écouteurs. Fait que là, je suis comme gêné de parler un peu. Gêne-toi pas, t'es entre saucisses. OK, ben entre saucisses, on va jaser dans ce cas-là. Cocktail. Je peux arrêter de parler de ça? Ça va aller? Ouais, tu peux continuer. Oh non, tu peux arrêter. OK, c'est bon, merci. Toi, tes chroniques, ta spécialité, ça va être quoi dans cette émission-là? Je vais avoir la chronique médiatique. Okay. Je vais être également aujourd'hui l'animateur principal là, qui va commencer. Est-ce que vous allez faire l'enchaînement comme ça toutes les semaines, un animateur principal différent qui va leader non, le kit? Ça risque d'être le même pour un bout. Okay. Donc, vu qu'on commence à peu près tout, j'ai un peu d'expérience, mais pas de là à dire que je ferais un show tout seul avec console et tout. Mm-hmm. Donc, au début, moi, je vais me concentrer sur la console. Je vais animer une chronique aussi. Mickaël va animer l'émission. Donc, c'est... Peut-être plus tard, Pierre-Luc aussi va animer. Mais ouais, pour l'instant, on veut se familiariser avec nos postes. Oh, ouais, exactement. Vous faites bien, je pense. Là. Aussi, la console, là, au début, c'est beaucoup demandant. Là. Tout à fait. C'est beaucoup de trucs à faire en même temps, mais je suis sûr que ça va être très bon. Ben oui. Tout va bien aller à partir de 9h tout à l'heure, ici même sur le centre de C'est fou, SPM de gars. Ça va être excellent. Yes, sir. Oh, oui, yes. Sûr. Une heure pour l'instant, 2 heures plus tard peut-être. Exactement. On commence à voir. Les gars de SPM de gars, on vous souhaite une très bonne émission à 9h tantôt. Merci. Il nous reste encore une dizaine de minutes à assemblage requis. Une dizaine de minutes qui va être un petit peu musicale parce qu'on a beaucoup parlé dans l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, François? Je te conseillerais de me fournir musicalement parlant un bout de plastique avec un trou dedans. OK. Renard Frac? Oui, hey, Caroline, Renard Frac, qu'on appelle tout le temps ma tante Frac parce qu'on est habitué, c'est de même. Pis le gars, il nous aime bien, on l'aime bien. Et c'est bon. C'est ça. Et c'est bon. On écoute tout de suite le Sal Wave, l'extrait du palmarès francophone au 89.1 FM. Nous sommes de plage. Roland Frac et le Sale Wave, c'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h, François. Oui, exactement. Demain, émission chargée, on reçoit Pascaro en entrevue. Ben, hey, c'est pas ça, c'est Claire Pimparé. Oh, ouais, c'est ça, mais c'est quand même Pascaro. Tout à fait. Pour nous autres qui est porte-parole de la semaine pour l'école publique. Donc, elle va nous parler de l'école publique demain. On aura aussi notre ami Simon Fédibert et sa chronique Phénomène qui sera de retour après un rhume, lui aussi, la semaine passée. Ce sera la stéréophonie deuxième partie. Et puis, à 8h30, François Landry. François Landry, oui, avec sa chronique politique. Espérons que cette semaine, il va avoir mis la main sur Denis Coderre. Ah oui? Bon, ben non, je pense une entrevue téléphonique, peut-être? Peut-être, on sait. Ça sera le fun. Donc, c'est demain à 7h à l'émission. Sinon, ben, restez sur nos ondes pour SPM de gars qui commence à 9h tout à l'heure. On en parlait avec les gars qui sont donc sympathiques et qui vont faire une émission parfaite. Ça va être bon, cette émission-là, vous avez l'impression. Ensuite, à 11h, le dîner con avec Denis Janvier. Puis, en après-midi, La Spirale, suivie de Catalepsie. Les deux en rediffusion si vous les avez ratés. Puis, plus tard, 6 degrés avec Kimi Bergeron. Moi, je l'appelle Kimi Burge, mais c'est Kim Bergeron. Faut le dire comme faut. Ça, c'est à 16h. Puis en rap, 17h, rap contact. Puis 19h, où c'est blanc, où c'est noir. Et 21h, trance avec Psy-TR. Voir les différents styles musicaux qu'on joue aujourd'hui. On se quitte avec Elliot Broad et Northern Air. Passez une excellente journée et à demain. Bye, François. Bye, bye, Mathieu. À demain. Bye, les requins. Bye, bye. C'est les gens qui écoutent Assemblage Requis, c'est les requins. Faut le préciser, mais... Time to think, let some troubles sink. Watch the sunrise, light a little fire. Watch the smoky lines cut between the pines. Cut between the pines, the darkness in our minds. Shed a little light, so far away tonight. So far away tonight. So far. Northern air.